Mon parcours commence dans un climat lauré bis, né en plein Atlas le 17 mai 90. Fils de parents marocains, élevé et aimé par du monde, je n'ai jamais manqué de rien. Tout le monde se demande, mais alors pourquoi rappe-t-il? Pour éviter de faire des bêtises, je m'en sers comme exil. J'ai pensé au suicide, mais je veux pas être coupable de quelques larmes, alors je me laisse vivre en reposant mes larmes. Aimer la vie et mon prochain, tout en faisant du bien. Voilà mon parcours et aujourd'hui je passe l'examen. Texte approfondi, je me fous des ondits. Je reste vrai et fais en sorte que mes textes ressemblent à ma vie. Mon parcours a souvent été semé d'embûches. Qui sait ce qui se passe vraiment sous ma capuche? Quand je trébuche, on me juge. Aimez-moi ma juste valeur et sans plus, pas à pas, jour après jour, j'avance au fur et à mesure. Ligne après ligne, son après son, je me rapproche de mon but. Aujourd'hui je me sens puissant, sans mon son, dans mon sang, dans mes mots emportés par le vent. La brise m'inspire ainsi que le calme et l'authentique. Comprends le fait que dans mes pensées je m'exile, j'existe en tant qu'artiste et je suis réaliste. Y arriver dur, sans faire de sacrifice. Fils, ne confonds jamais vitesse et précipitation, incrémentée d'un quotidien, je t'aime fiston. Merci d'avoir fait de moi ce que je suis, une belle rose qui avance au milieu des milliers d'épines. Chaque jour, chaque heure et seconde qui passe, je sais qu'après chaque lettre et chaque mot je laisse ma trace. Le philosophe a repris sa plume, écrit ses textes au soleil ou en plein clair de lune. Facile de faire le gangster sur 16 mesures, plus difficile d'écrire un texte sans rature. Depuis peu, Mélodie m'a pris sous son aile. J'ai compris que je n'avais pas besoin de solfège. Seul, je fais en sorte que tout aille mieux. Qu'ils soient fiers de moi, mes parents ainsi que mes aïeux. Mais ailleurs, plus rien ne va plus. Le monde est assaisonné de petites raclures. Je m'efforce de rester fidèle à moi-même. Mais comment différencier le faux du vrai? De nos jours, un sourire peut être trompeur. La vie ne fait pas le moine. Le proverbe a fait ses preuves. Je n'ai jamais voulu que l'on me dirige. Tant d'expériences vécues qui ont taillé ce saphir. Tant de pages qui ont creusé tant de sillons. Tant d'événements qui ont renforcé ma passion. Passons, le but est de tourner la page tout en prenant de l'âge, sans jamais prendre le large. Sans m'oublier et sans quitter mon rivage.